Aujourd'hui, dans une édition de la collection Frottée au VIX. Les jeux vidéo violents contre le stress de votre journée. Un site qui répertorie les jeux disponibles en français au Québec. Apple ferait de la publicité mensongère en disant afficher des millions de couleurs. Et des fichiers musicaux mille fois plus petits que les MP3. Tout ça est plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Jeudi 3 ou mardi 8 avril, bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans cette émission de 2 heures, on parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Édition à peine un peu grippée. On va parler entre autres de jeux vidéo. Là, pour commencer, ça va être le bloc F5 jeux vidéo. On va parler de Blu-ray dans la future Xbox 360. Aussi l'arrivée de la nouvelle manette DualShock 3 la semaine prochaine sur la PS3. On va aussi parler un petit peu de Capcom et de Take-Two et de Paramount. Un paquet de grosses compagnies qui brouillent des affaires dans le domaine du jeu vidéo. Mais pour l'instant, on écoute... deux petites pièces, on commence par la formation Chocolat et leur pièce Piano Élégant. Juste après la formation locale Madcaps, on va entendre Hear My Prayer à la collection. À C'est Fou 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles! Dark clouds are hanging over. Ben sur Madcaps avec Hear My Prayer sur le palmarès anglophone de C'est Fou, ça avait dans l'album Kiss the Lion, c'était précédé de Chocolat avec la pièce titre de leur nouvel album Piano Élégant, c'est ma foi vraiment très très bon. Un peu comme du chocolat, certains diraient, oui, cacao, c'est très bon. F5 jeux vidéo, c'est le bloc qu'on commence à l'instant. Les nouvelles qui ont marqué le monde des jeux vidéo, le monde vidéoludique depuis les 7 derniers jours. On commence par Branchez-vous qui a lancé lundi dernier grâce à la collaboration de l'Office québécois de la langue française. Le site jouerenfrançais.ca qui a pour objectif de répertorier tous les jeux vidéo disponibles au Québec en français. Plus de 400 jeux sont donc déjà répertoriés dans jouerenfrançais.ca en date de lundi dernier. Les jeux sont classés par plateforme, soit console de salon, console portable et ordinateur, et par genre. Chaque jeu est présenté brièvement et lorsqu'il a fait l'objet d'un test par l'équipe du site jouer.com de Branchez-vous, une note sur 5 étoiles est indiquée avec un lien vers le texte de la critique. Le site jouerenfrançais.ca a été produit par la division Branchez-vous Contenu avec la collaboration de l'OQLF. Donc, nouvelle intéressante à partager. Bien entendu, si un jeu en français ne figure pas dans cette liste, il faut en faire part au site. Et puis, il y a quelqu'un de chez... En fait, c'est François Tadé de Branchez-vous qui a donné une entrevue à ce sujet à Emmanuel Froment. Vous pouvez visionner l'entrevue sur le site jouerenfrançais.ca. Les liens sont sur unechance.com. Sony Computer Entertainment America a annoncé que la manette de DualShock 3 sera lancée la semaine prochaine, soit une semaine plus tôt que prévu. En fait, si, il est possible qu'elle arrive en magasin d'ici la fin de la semaine. On parle de cette semaine, celle qui commençait le 31 mars. Comme prévu, son prix de vente sera de $55. On rappelle que la DualShock 3 sera une manette sans fil qui inclura la technologie 6-axis et qui célébrera le retour de la vibration dans les manettes de PlayStation. Les manettes DualShock 3 seront aussi ajoutées au futur bundle PlayStation 3 qui inclura Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. En terminant, il y a une liste des jeux PS3 qui vont supporter la DualShock 3 ou qui la supporteront via une mise à jour. On parle entre autres de MotorStorm, de Resistance Fall of Man, Warhawk, puis il y a quoi d'autre aussi, Condemned to Bloodshot. La liste est sur unechance.com. Microsoft, qui figurait au nombre des partisans exclusifs du HD DVD, voit sa console de salon privée de lecteurs haute définition depuis que Toshiba a décidé d'abandonner son format optique de nouvelle génération. D'aucuns attendent désormais que le numéro 1 mondial des éditeurs de logiciels embrasse le Blu-ray, concurrent historique du HD-DVD déjà présent dans la PlayStation 3 de Sony. À début mars, le Financial Times évoquait la conduite de discussions entre Microsoft et Sony au sujet de l'éventuelle intégration d'un lecteur Blu-ray à la Xbox 360. Et bien cette semaine, le magazine en ligne DigiTimes relance la rumeur en indiquant que d'après les sources industrielles, Lite-On aurait en charge la production d'un tel lecteur pour le compte de Microsoft. Une livraison serait censée débuter dans le courant du second trimestre de 2008. Alors que le HD DVD était proposé sous la forme d'un lecteur externe et donc optionnel, le Blu-ray serait implémenté sous la forme d'un lecteur interne. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle Xbox 360, ou qu'il pourrait y avoir une nouvelle Xbox 360 avec lecteur Blu-ray. Quel que soit l'intérêt que manifeste Microsoft envers le Blu-ray, l'éditeur essaie en parallèle de développer des services associés au contenu dématérialisé par l'intermédiaire d'une offre de vidéo à la demande qui permet également d'accéder à des longs métrages en haute définition. Après la franchise MotoGP, voilà que Capcom a procédé à l'achat d'un studio. En effet, la firme a annoncé qu'elle a acquis le studio japonais K2, bien connu pour les séries Valhalla Knights et Tenchu. Les deux firmes étant situées à Osaka, Capcom tentera d'améliorer la rapidité ainsi que l'efficacité de son développement avec l'acquisition de K2 en travaillant avec les employés de ce studio situé à proximité de ses bureaux. Toujours au sujet de Capcom, ils ont annoncé que la compagnie a conclu une entente avec Dorna Sports afin d'acquérir tous les droits de la franchise MotoGP dans le but de produire et de distribuer des jeux vidéo basés sur cette dernière. D'ailleurs, la firme a profité de l'occasion pour annoncer qu'elle concevra un jeu qui se basera sur la saison 2008 du MotoGP pour Xbox 360, PS3, Wii, PS2 et PC. Peu de détails sur le jeu sont connus pour le moment, mais on sait qu'il comprendra plusieurs des coureurs de ce championnat, dont Shinya Nakano, George Lorenzo et James Toseland. Et finalement, Capcom a confirmé la tenue d'un événement spécial entièrement dédié à sa gloire, une sorte de Gamers Day qui aura pour nom Capcom, vous voyez le genre. Et tout ça en majuscule, évidemment c'est plus classe. Limité à quelques organes de presse et à des fans triés sur le volet, ce mini-salon se déroulera à Las Vegas à la fin du mois de mai. L'article vient de GameCult.com. Electronic Arts veut décidément acquérir Take-Two à tout prix, malgré un refus de cette dernière et après s'être directement adressé aux actionnaires de la firme. Voilà que EA poursuit son offensive en prolongeant l'acceptation de son offre jusqu'au 18 avril, soit le lendemain de la réunion annuelle des actionnaires de Take-Two. Nul doute que Take-Two demandera une fois de plus à ses actionnaires de refuser l'offre de Electronic Arts, surtout en considérant que Grand Theft Auto 4 ne sera pas disponible avant le 29 avril. On sait tous que Electronic Arts désire mettre la main sur Take-Two afin notamment de tirer profit des ventes de GTA 4. L'achat de Take-Two pourrait aussi garnir de façon importante le portfolio de EA en y ajoutant des franchises telles que BioShock et Civilization. L'article vient de hardgamers.com. Le studio Paramount a annoncé qu'elle se lancera dans la distribution de jeux vidéo et ce dès cette année. En effet, le géant du cinéma distribuera ses premiers jeux vidéo occasionnels au cours des prochains mois. Bien sûr, ces jeux seront basés sur des propriétés détenues par Paramount. Paramount qui offrait autrefois ses propriétés à des distributeurs de jeux afin qu'ils conçoivent des titres interactifs. Dans certains cas, Paramount continuera à offrir ses propriétés à des compagnies tierces. Néanmoins, le studio a décidé de se plonger dans l'industrie du jeu vidéo afin d'assurer la qualité des jeux basés sur ses propriétés. Comme on sait tous, la plupart des jeux vidéo basés sur des films ne reçoivent pas de critiques très élogieuses, même si plusieurs connaissent tout de même un succès commercial. Parlant de films, d'ailleurs, basés sur des jeux vidéo, le site comingsoon.net a eu la chance de s'entretenir avec le producteur Wick Godfrey au sujet du film basé sur la franchise Gears of War. Ainsi, Godfrey a annoncé que le scénario du film est écrit et qu'un réalisateur sera bientôt attaché au projet. Mieux encore, le film ne serait qu'à 2 ans de sa parution au grand écran puisque Godfrey a affirmé qu'il espère que la production cinématographique sera prête pour l'été 2010. En attendant, les fans de la série pourront toujours se rabattre sur Gears of War 2 prévu pour l'automne prochain sur Xbox 360. Plus efficace qu'une séance de yoga, plus puissant qu'une... plus puissant qu'une blague de, je sais pas, Jean-Michel Anctil. L'article est français, j'essaie d'adapter pour vous, c'est vraiment merveilleux. La pratique de jeux violents permettrait ainsi de se débarrasser de tensions accumulées pendant la journée. C'est en tout cas ce que suggère une étude réalisée avec amour par des psychologues de l'université de Middlesex. L'étude en question portant non pas sur 291 ni même 293, mais bien 292 gamers et gamers accros à World of Warcraft et âgés de 12 à 83 ans aurait effectivement permis de démontrer qu'une bonne session de poutrage de bigorneau démarrait ou d'autres joueurs détendraient presque aussi que la verveine de Mamie Félicie. C'est bien dit quand même. Cela dit, les éminents scientifiques du cervelet notent tout de même quelques différences en fonction de l'âge, du sexe et de la personnalité du sujet. Un élément qui, avouons-le, n'est pas sans importance. Vous pouvez aller lire l'article de Next Gen Biz pour en savoir plus sur cette étude. Apparemment, les jeux violents, c'est très bon contre le stress. Je sais pas si c'est bon contre la grippe. Le British Board of Film Classification, comme son nom l'indique pas, classifie aussi les jeux vidéo, vient de donner son feu vert à la sortie de Grand Theft Auto 4 en Angleterre sans aucune coupe dans le matériel ou dans le contenu. Après avoir visionné 5 heures de gameplay et 8 minutes de cinématique, les chanceux, les experts du BBFC n'ont rien trouvé à redire au niveau du jeu, au niveau du nouveau jeu de Rockstar. L'organisme n'avait pourtant pas été tendre avec la dernière parution du studio, c'était Manhunt 2, qui s'était d'abord vu refuser le sésame avant de parvenir à paraître, en fin du compte, dans une version édulcorée. Pendant ce temps-là, le vice-président du marketing de la branche américaine de Sony tente de se persuader que les joueurs ne seront pas intéressés par le contenu téléchargeable exclusif à la Xbox 360 acheté à prix d'or par Microsoft et prévu pour l'automne prochain. En passant, le site officiel de GTA 4, c'est au rockstargames.com/IV, comme dans 4 en chiffres romains. Vous pouvez aller voir l'article sur lunchance.com pour en savoir plus. Et finalement, pour ce bloc de jeux vidéo qui vient de se terminer avec la nouvelle précédente, voici le top des jeux les plus loués au Super Club Vidéo 3 la semaine dernière. Position 10 à 6 en rafale, Assassin's Creed sur 360, quand même 2 sur Bloodshot sur Xbox 360. Oh, c'est plus dur à faire avec la grippe, en fait, je pense, ce top en rafale. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur la Wii, Super Mario Galaxy sur la Wii, Call of Duty 4 sur la Wii, sur la 360, pardon. 5e position Army of Two sur la PS3, 4e Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la PS3, 3e Army of Two sur la Xbox 360, 2e Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Et le jeu le plus loué, c'est Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la Xbox 360. On écoute notre pièce des gigolos. Voici la guerre des mondes à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Bonjour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, on va faire entre autres le fil science et technologie. On va aussi parler d'informatique et évidemment le bloc les bonnes nouvelles CNX. Tout ça s'en vient plus tard, mais avant, voici une pièce de Gold Frap qui s'appelle Caravan Girls. Elle vient d'entrer sur les palmarès de C'est fou, du côté anglophone, évidemment. Et je vous rappelle que nous sommes en direct les jeudis matins à 11h, on rappelle les mardis à 9h. C'est La Connexion à C'est fou. Goldfrapp avec Caravan Girl de l'album Seventh Tree, c'est tout nouveau ici, assez fou, c'est dans le palmarès anglophone, maintenant c'est le bloc F5, science et technologie, parlons de tout ce qui n'a pas rapport avec les ordinateurs, ni les jeux vidéo, ni le sexe non plus, ça n'a même pas rapport, mais ça a rapport avec la science et la technologie. On commence par une nouvelle que moi j'ai trouvé vraiment intéressante, un chercheur américain a mis au jour ce qu'il pense être le plus ancien enregistrement sonore au monde, celui d'une femme entonnant d'une voix chevrotante la célèbre comptine au clair de la lune en 1860, 17 ans avant l'invention du phonographe de Thomas Edison. D'après l'historien David Giovannoni, cette pièce rare a été réalisée à l'aide d'un phonotographe, appareil né de l'imagination d'un ingénieur français, Léon Scott de Martinville, en 1857. Le dispositif était constitué d'une membrane vibrante placée au bout d'un tube acoustique qui transmettait les vibrations sonores à un stylet. Le tout était gravé sur un cylindre enduit de fumée noire avant d'être retranscrit sur une feuille de papier blanche. Seul inconvénient du procédé, le phonotographe ne permettait pas de relire par la suite les courbes dessinées. Déterminés à percer les secrets de l'inventeur français, deux ingénieurs américains ont mis au point récemment une technique capable de lire les enregistrements qu'Edward Léon Scott de Martinville avait réalisés sur des rouleaux de papier. C'est ainsi que la plus vieille version d'Eau claire de la Lune a pu être déchiffrée. Voilà. Ensuite, on parle un petit peu d'Apple. Le magazine en ligne brandchannel.com a sondé l'opinion de ses lecteurs pour connaître les marques ayant le plus d'impact sur leur vie, ainsi que la façon dont ces marques affectent leur comportement et leur perspective sur le monde. Le fabricant des iPods et des ordinateurs Mac l'a emporté aisément sur la concurrence aux yeux des participants à l'enquête. Apple triomphant haut la main dans pas moins de 6 catégories, notamment la marque la plus inspirante et celle dont les consommateurs ne pourraient se passer. Microsoft, le premier éditeur mondial de logiciels, n'a pas été en reste, se méritant toutefois l'honneur douteux de la marque que la plupart des lecteurs du magazine aiment critiquer et la marque de, la plus en manque de renouveau. La marque nationale des États-Unis a terminé au deuxième rang de cette catégorie peu enviable. Le classement de brandchannel.com est le résultat des réponses de près de 2000 lecteurs professionnels et étudiants de 107 pays qui ont répondu aux questions en ligne du 24 février au 9 mars. Toujours au sujet d'Apple, la propriétaire américaine de iMac a intenté lundi dernier une poursuite contre Apple, accusant la firme de fausse représentation de ses ordinateurs de bureau à écran de 20 pouces, puisque ceux-ci sont bien incapables d'afficher des millions de couleurs telles que promis dans le matériel promotionnel. La compagnie vante cette capacité du iMac sur son site web et autres contenus promotionnels, même si Apple sait fort bien que les écrans de iMac ne peuvent afficher que 262 144 couleurs véritables, selon la poursuite déposée à la Cour fédérale de San José pour le district nord de la Californie. On fait croire aux utilisateurs qu'ils voient bien plus de couleurs qu'en réalité, puisque les moniteurs emploient des trucs technologiques qui recréent l'illusion souhaitée, peut-on lire en substance dans la poursuite. Ces techniques peuvent s'avérer un handicap important pour les personnes qui éditent photos et vidéos parce que les couleurs n'apparaissent pas toujours complètement fluides sous l'effet de distorsion du processus d'assimilation des couleurs, selon les documents déposés en cours. La plaignante et propriétaire de iMac, Chandra Sanders, réside au Texas. Elle demande le statut de recours collectif pour sa poursuite qui cible les iMac aluminium de 20 pouces, lancés en août 2007. Évidemment, on dit souvent, Apple ne commente pas les causes en instance, donc on n'a pas de commentaires de leur part. Voilà pour le bloc F5 Sciences et Technologies. Voici le top 5 des jeux les plus populaires sur OneUp.com en ce moment. En cinquième position, on retrouve God of War 3 sur la PS3. En quatrième, Rainbow Six Vegas 2 sur la Xbox 360. En troisième, The Sims 3 sur le PC. En deux, Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. Et en première place, c'est Final Fantasy VII Crisis Core sur la PSP, qui est le jeu le plus recherché, le jeu le plus aimé des gens qui visitent le site de jeux vidéo OneUp.com. Voilà maintenant le bloc les bonnes nouvelles CNX. Vous savez, on aime insister des fois sur les bonnes nouvelles, pas seulement les choses comme les poursuites ou les affaires, dérangeantes. On parle de Rania de Jordanie, hein, la reine de Jordanie qui souhaite se servir de sa chaîne, sa nouvelle chaîne sur YouTube pour mieux faire connaître le monde arabe et la religion musulmane. La reine Rania Al-Abdullah de Jordanie a lancé jeudi dernier sa chaîne sur YouTube avec Queen Rania on YouTube, la 82e femme la plus puissante au monde selon le magazine Forbes, souhaite que sa présence sur le célèbre portail vidéo permette d'établir un dialogue entre le Moyen-Orient et l'Occident afin de dissiper les stéréotypes à propos de la religion musulmane et du monde arabe. L'épouse du roi Abdallah promet d'œuvrer à faire disparaître les préjugés et d'y vouloir que les gens découvrent la réalité du monde arabe telle qu'elle, spontanément et sans filtre. Les visiteurs de la chaîne YouTube sont invités à donner leur opinion au sujet du Moyen-Orient et discuter de leur perception du monde arabe et de la religion musulmane. Évidemment, on est sur YouTube, donc il va y avoir un paquet de commentaires plutôt immatures, mais bon, faut faire avec. Qu'est-ce que c'est YouTube? Pardon. Dans un monde... Juste une citation. Dans un monde où il est désormais si facile d'entrer en contact l'un avec l'autre, nous demeurons tout de même profondément déconnectés. C'est ce que souligne la reine de Jordanie sur sa page YouTube. Il y a un monde de merveilles autour de nous que nous ne pouvons apprécier en y appliquant des stéréotypes. Le lien pour aller voir la page de la reine de Jordanie, c'est le fr.youtube.com/queenrania, R-A-N-I-A, ou passer par le nom, par le site de la connexion au www.unechance.com, www.unechance.com. Adobe a lancé cette semaine Photoshop Express, une version en ligne et gratuite de son populaire logiciel de traitement d'image Photoshop. La version bêta de Photoshop Express est plus simple et plus facile d'utilisation que la version traditionnelle du logiciel. Adobe espère ainsi séduire une nouvelle génération d'utilisateurs qui retouchent et conservent leurs photos en ligne. À l'instar de Google Apps et des autres logiciels en ligne, Photoshop Express est accessible avec un mot de passe à partir de n'importe quel ordinateur avec n'importe quel système d'exploitation. L'une des principales forces de Photoshop est l'utilisation de calques. Malheureusement, les layers n'est pas disponible sur Photoshop Express. Mais les utilisateurs pourront néanmoins recadrer leurs images et utiliser plusieurs filtres et ajustements comme ajuster la saturation, faire une balance des blancs et enlever les yeux rouges. Autre point positif pour les utilisateurs débutants, il est également possible de revenir en arrière à chaque étape des modifications effectuées sur une image. Photoshop Express offre aussi 2 GB d'espace disque pour entreposer et partager ses photos. Le partage peut notamment se faire en ajoutant les images retouchées à son blog ou à son profil Facebook sans même quitter le logiciel. L'adresse, c'est le photoshop.com/express. Le lien est sur le site de l'émission ou unechance.com, évidemment. On va faire une petite pause musicale pour aller entendre une bonne, très très bonne pièce de Gatineau. Dans à peine quelques minutes, je regarde ça dans à peine 4-5 minutes, on va parler d'informatique dans le bloc F5 informatique. Les sujets qu'on va aborder, entre autres Microsoft qui va prolonger encore une fois la licence de Windows XP. On va aussi parler de Windows Vista. 30% des plantages seraient dus aux pilotes de Nvidia. Ce serait même pas la faute de Microsoft. Hein? Pourrait. Le 10 millionième article a été publié sur Wikipédia. Le projet Mozilla, un autre anniversaire, souffle ses 10 bougies. C'est ceux qui font Firefox. Il y a aussi Radiohead qui offre aux internautes de remixer une chanson. On va parler aussi de Craigslist, le site de petites annonces qui va maintenant être en français. On va faire compétition à Kijiji et un paquet d'autres dont déjà vu. Il y a aussi le couvre-chef de Rabin, de l'humoriste Dieudonné, qui est mis en vente sur eBay. Tout ça plus le top des mots-clés les plus recherchés sur la toile du Québec. Et la chronique bientôt sur vos écrans. C'est ce qui se passe dans les dernières 20 minutes de la première heure de 2. C'est la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Au 89.1 FM, voici Gatineau et Rap Maudit, ça commence... Là. Et reste blanche, votre entrage oublie à mon bouffard étage pour que le public ben que je monte saigner pour le poème pour le tempo et l'insigne vite autant le fond de la forme comme il faut ça sent mes sonnets sonne finalement faux je l'embrasse parler de syndical c'est toute la longueur de mes lignes horizontales mais la seule pause qui se pose pour poser aussi brutal je laisse ça sortir ou je ravale je retiens du flow ou je m'en avale ben joue sérieux laisse du lèvre court au qui dans mon âme des balles. La lit la littérature qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites. Cela même qu'on essaie de des silences tacites. Et ma vie à d'envergure. Au fur et à mesure, je suis la suite sur ma figure. Enfin, l'en peu de jus qui s'agit. Que par ma flamme, la même école de flamme, elle ressuscite. J'ai le pouvoir, me voir dans le miroir, dans le trou noir, dans le bord des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, même mon écritoire, avec mon répertoire. Et la balade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie de l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Que ce soit c'est beau, M, cyber et théo. J'attends le poème signifiant. Certifiant mon talent tout en me sanctifiant. J'aimerais mon âme à mes fils tout en défiant. Dans ma demande de faire écrire des textes édifiants. Mais l'écriture donne un peu moins de source d'angoisse. Qui t'en dit des textes en terre que je laisse en ardoise. Comme des poèmes disparaissent des feuilles que je croise. Je m'en pardon pour fixer c'est forêt pour mon éboise. Je l'explique, moi d'assi, mes vices, mes textes existent, l'université. Puis qu'on en comprenne enfin toute la densité. Mais pourquoi je chante avec tant d'intensité? Gatineau et la pièce rap maudit de leur album éponyme. C'est sur le palmarès francophone de C'est fou ici à la Connexion 89.1 FM. J'aimerais donc ça si Gatineau pouvait sortir 3 ou 4 albums par année. Ce serait pas pire. Hein? J'aime ça. Gatineau, voilà, on est rendu au bloc F5 informatique. On va faire les nouvelles donc, qui ont marqué le monde des ordinateurs depuis les 7 derniers jours, les nouvelles importantes des ordinateurs. On commence par Microsoft qui prévoit rendre accessible son système d'exploitation Windows XP au-delà de juin 2008 tel que prévu. Selon PC Advisor, Microsoft prolongera la disponibilité de son système au-delà du 30 juin, date à laquelle Microsoft avait prévu mettre fin à la vente des licences. Microsoft qui devrait en faire l'annonce officielle d'ici la fin de la semaine. Là, on parle, ça a été écrit hier, mercredi 2 avril, cet article-là. Donc, on devrait avoir la réponse bientôt. On y reviendra la semaine prochaine. Donc, ça rendrait la licence XP disponible aux ordinateurs portables à faible coût comme le PC de Asus Tech. L'annonce probable de Microsoft arrive au moment où se tient cette semaine à Shanghai l'Intel Developer Forum. Le fabricant de microprocesseurs Intel profite de l'IDF pour annoncer l'arrivée imminente d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs portables à faible coût opérant avec les prochains processeurs d'Atom. Plusieurs de ces appareils n'ont pas la capacité de stockage et de mémoire nécessaire pour faire fonctionner Vista. C'est pourquoi ils utiliseront les systèmes d'exploitation Windows XP ou Linux. Vista n'est pas considéré comme une option pratique pour les ordinateurs portables équipés de 512 MB de RAM et 2 GB de stockage seulement. Même la version Windows Vista Starter, la version épurée, la version light mayonnaise développée pour les marchés émergents nécessite 15 GB d'espace de stockage, imaginez. La version light qui prend 15 GB. C'est foutument gros, là. Sérieusement, le Windows Vista, c'est Bertha pas mal, comme on dit. De plus, le coût des appareils augmenterait significativement avec l'installation de Vista, donc que des points négatifs pour les ordinateurs légers. Toujours au sujet de Windows Vista, tous les moyens sont bons pour organiser sa défense, objet d'une action collective de la part de consommateurs américains au sujet de l'appellation Vista Capable. Microsoft n'a pas hésité à fournir à la cour des rapports d'erreurs générés par son système dans le but de démontrer que les logiciels tiers sont bien souvent la cause des problèmes rencontrés. Parmi ceux-ci, on retrouve en première place les pilotes Nvidia, qui seraient responsables de 28,8% des erreurs de fonctionnement causées par les pilotes en 2007. Le programme Vista Capable consistait, pour mémoire, à désigner par un autocollant les nouvelles machines qui pourraient fonctionner sous Windows Vista lorsque celui-ci serait disponible. Bon, ça, c'est des ordi d'il y a quelques années. Certains des ordinateurs ainsi certifiés se sont pourtant révélés incapables de faire tourner l'interface graphique 3D Aero du système d'exploitation. J'aurais pu faire la blague, l'interface graphique est remplie de trous Aero. Non, OK. Les consommateurs mécontents ont alors joint leurs forces pour lancer une action collective en justice contre Microsoft. Un long document de quelques 158 pages signalé par Ars Technica met en lumière une partie de la correspondance interne à Microsoft relative à l'appellation Vista Capable. Ils sont transcrits des échanges qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle Microsoft aurait volontairement minoré les exigences Vista Capable pour ne pas porter préjudice au chipset i915 d'Intel. C'est quand même des allégations assez sérieuses. Ce même document comporte également la liste des plantages provoqués par les pilotes sur une période non définie de l'année 2007. Au classement des fabricants ainsi constitués, Nvidia figure largement en tête avec environ 470 000 avaries recensées, soit 28,8% du total. Viennent ensuite Microsoft lui-même avec 17,9% des cas, AMD avec 9,3%, puis Intel avec 8,8%. Bien que les conditions exactes de la collecte de ces informations n'aient pas été précisées, ce rapport vient confirmer le démarrage très difficile de Windows Vista du fait d'un écosystème totalement inadapté lors du lancement en janvier 2007. Et si Nvidia est montrée du doigt, la firme récolte ce qu'elle mérite, la planification du développement pilote pour Vista ayant été tout simplement catastrophique. On peut ajouter d'ailleurs qu'à ce jour, et contrairement à la promesse faite il y a un an, Nvidia ne publie toujours pas de pilotes mensuels, préférant plutôt sortir des pilotes quand ça l'arrange. Méchant, Nvidia! On change de sujet complètement pour parler de Wikipédia. Le 10 millionième article de la populaire encyclopédie collaborative a été mis en ligne le 27 mars. L'article, qui est une biographie en hongrois du peintre Nicolas Hilliard, a été rédigé par Pataki Marta. Wikipédia offre des articles dans plus de 250 langues. Fait intéressant. L'anglais domine le palmarès, suivi par l'allemand, le français et le polonais. Jimmy Wales, qui est le fondateur de l'encyclopédie, s'est dit surpris du rythme auquel le contenu du nouveau contenu est soumis. Il s'agit d'un témoignage du dévouement exceptionnel dont fait preuve nos bénévoles partout dans le monde, a-t-il dit. La conformité des articles de Wikipédia a été prouvée à de nombreuses reprises. Une étude du laboratoire HP a d'ailleurs prouvé qu'il existait bel et bien une relation entre le nombre de retouches d'un article et sa validité. Une preuve irréfutable des bienfaits de l'effort de groupe. Voilà. Wikipédia est maintenue par la Wikimedia Foundation, un organisme caritatif basé à San Francisco, en Californie. Un autre anniversaire, présidente de la Fondation Mozilla, Mitchell Baker, a publié lundi sur son blog, et oui, j'ai bien été voir, parce que ça faisait plusieurs années même que je lisais des articles qui disaient la présidente de la Fondation Mozilla, et puis là, ça disait Mitchell Baker. Je me disais, Mitchell, il me semble que c'est un nom de gars, c'est Michel, c'est un nom de fille, mais bon, je suis allé voir sur Wikipédia, c'est bien une fille, donc j'avais tort dans mes critiques par rapport à Clubic.com, j'admets mon erreur. En fait, je pense que je l'ai jamais mentionné en nombre, mais ça me chicotait depuis quelques temps. Mitchell Baker a publié lundi sur son blog un article indiquant que ça fait exactement 10 ans, c'était le 31 mars 98, qui était mise sous licence open source ou source libre, les premières lignes de code du futur navigateur web Firefox, né quant à lui beaucoup plus tard, c'est-à-dire en 2003, ça fait 5 ans. Donc, le code a duré 5 ans avant de devenir Firefox. Longtemps associé à Netscape Navigator, successeur de Mosaic, premier navigateur web de l'histoire, le mot Mozilla. Et là, fait intéressant que bien les gens ne savent pas, même moi je l'ai appris en lisant cet article-là, mais voilà, en train de montrer comment je suis inculte. Mozilla, ça veut dire Mosaic Killer. Le tueur de Mosaic, donc beaucoup mieux que Mosaic. C'est ce que ça veut dire, Mozilla. Donc, c'est désormais celui d'une fondation, Mozilla Org, et d'une société commerciale, Mozilla Corp, chargée de développer plusieurs logiciels à source libre, dont Firefox, qui est un navigateur adopté par plus de 170 millions d'internautes, mais également Thunderbird, un logiciel de courriel, SeaMonkey, Camino, ou encore Bugzilla. SeaMonkey, qui est une suite de logiciels, dont un furteur, Camino, qui est un furteur sur Mac, et Bugzilla, qui est un, je crois, un site de bugs par rapport au logiciel de Mozilla. Voilà. En fait, je pourrais très bien aller chercher pour pas dire de mentir en ondes. J'aime vraiment ça, faire ça en live. Sur Wikipédia, donc, ça dit que Bugzilla est exactement, c'est un bug tracker sur le web qui a été développé et utilisé pour le projet Mozilla. C'est un logiciel de la source libre de Netscape Communications en 1998. Mozilla a été adopté par une variété d'organisations. C'est utilisé pour éteindre les bugs. Donc, c'est pas seulement pour les produits Mozilla. Voilà, c'est ce que ça veut dire. On est en train de parler du 10e anniversaire de Mozilla. Au cours de ces 10 dernières années, beaucoup de gens savaient que notre choix d'offrir du choix et de l'innovation sur le segment des navigateurs web était impossible. De certains points de vue, nous avons réussi l'impossible et ce n'était pas facile, a dit Mitchell Baker. Reste à savoir à quoi ressemblera Mozilla en 2018 sur un marché des navigateurs qui pourrait encore être bousculé par l'arrivée des Rich Desktop Applications et des terminaux mobiles, sans oublier le réveil de Microsoft. On parle de Radiohead maintenant. Le groupe britannique continue de tisser ses liens avec les internautes. Sa nouvelle idée est de permettre à ses fans de remixer une chanson tirée de son plus récent album In Rainbows. Le groupe a annoncé par courriel aux internautes qui avaient acheté en ligne son album, ceux qui ont payé 50 cents pour l'album, bande de voleurs, qu'ils peuvent maintenant se procurer sur iTunes les pistes séparées de la chanson Nude. Les internautes pourront donc remixer la chanson à leur guise et diffuser leur nouvelle version sur le site internet radioheadremix.com. Les autres internautes auront ensuite jusqu'au 1er mai pour choisir la version qu'ils considèrent comme étant la meilleure. Ça me fait pleurer presque. J'ai pas amené de Radiohead, j'aurais pu en passer, ça aurait été la chance parfaite. Peut-être la semaine prochaine. Les pistes de la chanson ont été divisées en 5 fichiers. La voix de Thom Yorke, la basse, la guitare, les percussions et les cordes, elles sont offertes dans la section iTunes Plus de la musique de la boutique en ligne d'Apple, qui comprend des chansons et des albums numérisés dans une qualité sonore supérieure à celle des autres chansons disponibles. Une fois que les internautes achèteront une piste, ils recevront un mot de passe par courriel et pourront compléter le processus de téléchargement dans les logiciels de production sonore d'Apple, GarageBand et Logic. Radiohead précise cependant que les autres logiciels qui décodent le format audio utilisé par Apple peuvent être utilisés. Radiohead a lancé un autre concours il y a quelques semaines pour permettre aux internautes de soumettre un vidéoclip d'animation s'inspirant de n'importe quelle des 10 chansons de In Rainbows. Les personnes intéressées à participer au concours ont jusqu'au 27 avril pour soumettre leurs idées. Le gagnant recevra 10 000 $ américains, soit 10 182 $ canadiens. Merci, branchez-vous, c'est gentil de me dire ça. Rappelons que le groupe britannique a causé la surprise au début du mois d'octobre 2007 en offrant In Rainbows à un prix déterminé par chaque internaute. La version numérique de l'album peut être achetée pour aussi peu que 1 cent britannique, un penny britannique ou encore 2 cents canadiens. On dit une penny ou un penny, enfin bon. En plus des frais de transaction de 91 cents. Voilà. Le site américain d'annonces classées en ligne n'est plus seulement disponible en anglais. On parle de Craigslist qui domine le marché américain des annonces classées avec ses 27 millions de visiteurs uniques par mois. En comparaison, son plus proche compétiteur, Kijiji de eBay, reçoit 2,3 millions de visiteurs américains uniques par mois. Seulement jusqu'à tout récemment, Kijiji avait une longueur d'avance sur son rival, du moins du point de vue de la langue, car le site d'eBay offre ses services en français. Fondé en 95 par Craig Newmark, Craigslist a d'abord concentré ses activités dans la baie de San Francisco pour s'étendre ensuite à la ville de Boston en 2000. Les petites annonces de Craigslist, qui se distinguent par l'absence de publicité, se sont ensuite étendues aux principales villes américaines. Craigslist couvre aujourd'hui 450 villes de 50 États américains et de 50 pays. Selon Craigslist, 30 millions d'annonces classées sont affichées chaque mois sur l'ensemble de ses pages. En plus d'être maintenant offert en français, Craigslist est aussi offert en portugais, en italien, en espagnol et en allemand. Petit fait intéressant à souligner, eBay pourra profiter également du succès international de Craigslist car il en est propriétaire à 25%. Donc, eBay qui a Kijiji et 25% de Craigslist. Et finalement, le couvre-chef de rabbin porté par Dieudonné dans le numéro qui a enflammé la France il y a quelques années a été mis en vente sur eBay. Les enchères dépassent déjà 15 000 euros. Ça, c'était en date du 31, donc lundi, et c'est selon le Journal de Montréal. C'est l'humoriste lui-même qui a pris l'initiative de vendre l'accessoire qui l'a plongé dans une polémique qui fait encore jaser aujourd'hui. Coiffé de l'accessoire, on se rappelle, Dieudonné avait incarné dans son spectacle un rabbin raciste, ce qui avait créé un précédent dans le monde de l'humour français. Sur ebay.fr, la page où figure l'article avait été vue par plus de 85 000 visiteurs uniques en un seul jour, ce qui fait de l'objet controversé l'un des plus populaires de eBay France. On comptait le même jour 325 000, ce qui ont fait grimper le montant de base de 150 euros à 15 000. C'est 100 fois plus. Voilà, j'essaie de trouver le lien en même temps. Il n'a pas l'air là. Pour faire ce geste, c'est symbolique. Pourquoi faire ce geste? Il a dit, c'est symbolique pour moi. C'est dit dans le bureau de son théâtre. L'objet qui a autrefois provoqué le débat a une certaine valeur pour l'humoriste. C'est le symbole d'un tournant dans ma carrière. J'avais envie de prendre mes distances face à cette époque, tant dans la parole que physiquement. Je travaille sur des sujets complètement autres pour mon prochain spectacle, avance-t-il. L'argent récolté par cette vente aux enchères ira à une association caritative, assure Dieudonné en terminant. Le kit parfait pour qui veut se créer lui-même ses controverses à la maison. Malheureusement, l'article a seulement un lien vers ebay.fr, mais si on cherche Dieudonné sur ebay.fr, est-ce qu'on va trouver le chapeau? Malheureusement, non. Je vais essayer de chercher le lien et le mettre sur le site. Sinon, allez voir sur ebay et puis tapez vous-même. Hein, ça va être plus simple que moi en fait de le faire live à la radio. Voilà pour le bloc F5 informatique. Voici maintenant le top des montées les plus recherchées. La semaine dernière sur la toile du Québec, en cinquième, on retrouve Accédé qui monte. En quatrième, YouTube monte aussi. En troisième, Hotmail monte. En deuxième, Horoscope descend. Et le mot-clé le plus recherché a monté. En fait, Horoscope et les packs se sont échangés. C'est les packs qui se retrouvent en numéro 1 maintenant. Voilà pour ça. Ça me tente, on m'a amené subtilement en studio l'album de Radiohead qui s'appelait Hail to the Thief. Ça date quand même d'il y a plusieurs années. On va aller entendre une pièce qui m'a l'air très bien pour cette période grippale pour moi. Voici Sit Down, Stand Up de Radiohead à la collection l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Restez là parce que dans la deuxième heure, en fait j'ai repoussé mes plans, dans la deuxième heure on va parler de ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans. On va aussi parler de cybercriminalité et quelques nouvelles du futur à la connexion. Ah c'est fou, 89.1 FM. Les nouvelles de Radio-Canada, suivez à l'instant. Sit down, stand up, sit down, stand up. Stand. Same old crap, well have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. Straight out of Compton. Straight out of Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube. From a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize 10 times. Sorry Miss Jackson. I'm Almighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls, it's girls I do adore. You put your name on this paper because I would love to date you. Holla at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Seulement 30$ pour tout ça, mais c'est donné. Bon, retour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, un paquet de choses va être rempli de bonheur. On va parler entre autres des nouveautés qui s'en viennent bientôt en magasin. Il y a aussi le bloc Cybercrime, quelques nouvelles du futur et le bloc à thème sur le poisson d'avril. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour le 1er avril qui vient à peine de se terminer. C'était le jeudi. Tout ça plus tard, mais avant, ça va entendre une pièce de Aiden. C'est le numéro 1 du palmarès anglophone de cette semaine ici à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est la pièce de son nouvel album In Field and Town et ça se passe maintenant dans La Connexion. 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Take it easy, it's what we need to do right now. Cruel and weary, but just some words that use for how. I see us around this uptight town, with emptiness just to weighing us down. But we think of leaving out of the rough, into the slow. Clouds let go, the sun and the show, the city lights took off her clothes. And now you know how we feel. We're like spokes in a wheel of a bike in some field. Long through the streets before dawn. sense of what's right or wrong. Take it easy, it's what we need do right now. Cool and breezy, not the words I'd use for how. I see us around this uptight town, the electronics swing us down. Now, you know how we feel, like spokes in a wheel of a bike in some field. Oh, we are riding along through the streets before dawn, with no sense of what's right or wrong. Aiden avec la pièce titre de l'album In Field and Town, c'est le numéro 1 anglophone du palmarès, c'est fou, très très bonne pièce, ça mérite cette place-là. Aiden. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. Maintenant, c'est le bloc tant attendu que les gens aiment juste pour la musique d'intro. Voici Cybercrime. Une nouvelle de choses croches qui sont passées sur Internet ailleurs dans le monde de la technologie, c'est tout ce qui est pas correct, là, toutes les choses qui sont illégales dans le fond. Le moteur de recherche de fichiers Torrent, donc de partage de fichiers illégaux, met fin à ses activités après s'être défendu pendant 2 ans contre la Motion Picture Association of America. En guise d'adieu, l'équipe de Torrent Spy a laissé une brève note sur son site expliquant que le climat légal aux États-Unis concernant le droit d'auteur, la confidentialité des recherches et des fichiers Torrent contenus dans les résultats de recherche sont simplement trop hostiles. En 2007, à la suite de la poursuite par la Motion Picture Association of America, c'est l'industrie du cinéma, la MPAA, qui soutenait que Torrent Spy facilitait le piratage de films, et il avait été demandé au moteur de recherche de noter les activités de ses usagers et de transmettre les informations recueillies à la MPAA. Mais Torrent Spy avait répliqué par l'entremise de son avocat qu'il préférait bloquer l'accès aux Américains sur ses partages plutôt que de les espionner. Les propriétaires du site ont plus tard été accusés d'avoir menti sous serment et détruit des preuves, notamment les adresses IP des utilisateurs, alors qu'un juge leur avait ordonné en mai 2007 de les conserver. Torrent Spy a donc pris la décision de fermer définitivement son site, ce qui représente pour l'équipe la méthode ultime pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. Voilà la fermeture maintenant très regretté Torrent Spy. À l'issue du sommet de l'OTAN à Bucarest en Roumanie, l'Estonie et 7 autres pays membres ont annoncé la création d'un centre international spécialisé contre les cyberattaques, selon l'agence France Presse. Le projet est piloté par l'Estonie 1 an après que le pays balte ait fait face à une série de cyberattaques menées par des pirates russes contre les sites Internet de ses institutions gouvernementales et de plusieurs compagnies privées. Le centre sera entièrement dédié à améliorer l'interopérabilité des systèmes de cyberdéfense des pays participants. Il organisera notamment des exercices, évaluera des menaces potentielles et conduira des projets de recherche afin de mieux lutter contre les cyberattaques. Outre le petit pays de 1,3 million d'habitants, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie sont les autres pays qui participeront activement à la création du centre, qui sera installé dans la capitale estonienne, Tallinn. La décision d'implanter ce centre en Estonie n'est pas le fruit du hasard, car en plus de sa résistance aux cyberattaques menées l'an dernier contre ses institutions, le pays balte dispose d'une industrie de haute technologie en pleine expansion, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom B-Stony, comme dans Electronic. Bon, pas fait jeu de mots. Selon le gouvernement estonien, la construction du centre devrait être complétée vers 2009. Une fois inauguré, le centre disposera d'une équipe d'une trentaine de personnes, dont une quinzaine d'experts en technologie informatique. La cyberguerre estonienne s'est déroulée en avril et mai 2007 après que le gouvernement estonien eut placé un mémorial à la gloire des soldats soviétiques au centre-ville de Tallinn. Le monument représentait pour les Estoniens d'origine russe la victoire sur le nazisme, alors que les autres citoyens le voyaient plutôt comme le symbole de l'occupation soviétique pendant 50 ans. De violentes manifestations impliquant des milliers de personnes avaient éclaté à Tallinn, suivies par plusieurs cyberattaques qui ont fait planter les principaux sites Internet du gouvernement estonien et de certaines institutions bancaires. Le premier ministre estonien Andrus Ansip avait alors accusé la Russie d'être derrière ces manœuvres, ce que le gouvernement russe a toujours nié. À 4 mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Beijing, ou Pékin, le CIO plaide en faveur des journalistes qui feront la couverture des Jeux en réunion à Pékin. J'ai changé les Beijing pour des Pékin en français. Avec les organisateurs des Jeux, en réunion à Pékin avec les organisateurs des Jeux, le Comité international olympique a demandé à la Chine de lever les restrictions concernant l'accès à Internet. Le vice-président de la commission de coordination du CIO, Kevin Gosper, affirme que restreindre l'accès à Internet durant les Jeux jetterait une ombre sur la nation haute. Ce matin, nous avons discuté et insisté encore, a déclaré Gosper à l'Associated Press, et ajoute « Nous voulons nous assurer que les journalistes puissent travailler de la même façon que lors du déroulement des autres Jeux. » Gosper croit que la Chine a l'obligation, selon les termes de l'entente de la ville haute, de fournir l'accès à Internet aux 30 000 journalistes accrédités et non accrédités qui couvriront les Jeux, soulignant en passage les critiques soulevées par la censure instaurée par la Chine à la suite des événements survenus au Tibet. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Xiang Yu, a reconnu que la Chine bannissait certains contenus Internet à l'instar d'autres pays, mais a refusé de dire si l'accès à Internet sera restreint aux journalistes pour la durée des Olympiques. Nouvelle très intéressante dans ce bloc Cyberprime, Warner Music propose aux fournisseurs d'accès à Internet d'imposer un supplément monétaire mensuel à leurs abonnés pour compenser les pertes financières des maisons de disques liées au piratage de musique. Cette idée provient du consultant Jim Griffin qui vient de signer un contrat de 3 ans avec Warner Music afin de développer de nouvelles stratégies contre le piratage de musique et conclure des ententes avec les fournisseurs d'accès à Internet de plusieurs pays. Et je cite, « De nos jours, il appartient aux consommateurs de décider s'ils veulent payer ou non pour télécharger une chanson ou un album sur Internet. » C'est ce qu'a déclaré Griffin dans une entrevue la semaine dernière au webzineportfolio.com. On pourrait dire que l'industrie de la musique fonctionne actuellement comme un gigantesque réceptacle pour les pourboires, dit-il. Selon Griffin, les fournisseurs d'accès Internet devraient rajouter 5$ aux factures mensuelles de leurs abonnés, leur permettant en revanche de télécharger toute la musique qu'ils veulent. Hein? C'est pas merveilleux, ça? Le consultant estime que le supplément de 5$ par abonné pourrait générer un revenu annuel de plus de 20 milliards de dollars pour les maisons de disques qui serait ensuite divisé entre les artistes et les compositeurs. Les internautes qui ne voudraient pas payer le supplément devraient en contrepartie accepter de recevoir de la publicité en ligne lorsqu'ils téléchargent des chansons. Il vit dans un monde un petit peu utopique, par contre. Griffin soutient également que le montant de 5$ devrait être ajusté en fonction du revenu annuel moyen des internautes de différents pays. Ainsi, les internautes de pays en voie de développement n'auraient pas à payer autant. Electronic Frontier Foundation et Public Knowledge, deux organismes de défense des libertés individuelles sur Internet, soutiennent cette nouvelle stratégie, donc déjà un bon point, en notant que les consommateurs aient le choix d'accepter ou de refuser de payer ce supplément mensuel. C'est juste la misère à voir comment ça se fait implanter, tout ça. Mais bon. Rappelons par ailleurs que la Motion Picture Association of America travaille aussi à pousser les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, à participer plus activement contre la prolifération du piratage. Si vous voulez consulter un article publié la semaine dernière sur la position de la MPAA, voyez le lien sur le unechance.com qui est le site de la connexion www.unechance.com. Voilà pour le bloc Cybercrime. Regardons les jeux qui ont été les plus trichés sur GameFAQs.com. Oui, les gens ne veulent pas se forcer et montrer leur talent en jouant vraiment de bonne façon à leurs jeux vidéo. Ils préfèrent tricher sur Internet. Je le fais moi-même. Là, je n'ai pas des gens qui font ça. Top 5 des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. En 5e position, on retrouve Final Fantasy 12 sur PS2. En 4e, c'est COD4 Modern Warfare sur Xbox 360. En 3e, Pokémon Diamond sur la DS. En 2e, Crisis Core Final Fantasy 7 sur la PSP. Et le jeu le plus triché sur GameFAQs.com, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Voilà pour le bloc Cybercrime. Maintenant, voici ce qui se passe bientôt sur vos écrans. Oui, sortir quelques nouveautés en magasin, même si rgamers.com dit que la semaine est idéale pour terminer les jeux qui traînent dans le fond de votre garde-robe. Aucune sortie notable est à noter, si ce n'est celle de Mena Kemia Alchemist of Al Revis, le quatrième Atelier Iris. Voilà, et je sais que la plupart des gens se disent « Hein, quoi? » Vous avez bien raison. Sur DS, on commence par Toy Shop de Majesco et puis Professor Brigham's Games de SVG Distribution. Sur PC, Women's Murder Club, basé sur la série télé, c'est de Elephant Entertainment. Riddle of the Tomb de Dreamcatcher. Civil War Mysteries de Activision. The Abbey de Crimson Cow. Great War Nations, The Spartans de Dreamcatcher. Overclocked de Lighthouse Interactive. Et Panzer Command Kharkov de Matrix Games. Ça, c'est sur le PC. Et finalement, une seule sortie sur PlayStation 2. Mena Kemia Alchemist of Al Revis de Nippon Ishii. Voilà pour les nouveautés en magasin cette semaine. Il n'y a aucune nouveauté sur aucune console, dont Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Futur un petit peu plus rapproché. Non, en fait, restons dans le présent. Nintendo a confirmé l'identité des deux jeux ajoutés sur la Virtual Console de la Wii lundi dernier, le 31 mars. D'abord, le jeu de course adoré par plusieurs, Cruisin' USA, de la Nintendo 64 pour seulement 1000 points. Hein, oui. Vous pourrez donc parcourir les États-Unis pour visiter le Golden Gate Bridge, Mount Rushmore et la Maison-Blanche tout en testant vos réflexes et vos talents de pilote. Jeu très difficile, Cruisin' USA. Ne vous attendez pas toutefois à ce que ce jeu de course ait bien vieilli, dit l'article. Ah, c'est pas vrai. Le second jeu de la semaine est Wonder Boy sur Sega Master System pour 500 points. Le joueur y incarne Tom Tom de Wonder Boy alors qu'il doit sauver sa copine Tanya des griffes d'un monstre. Plusieurs mondes vous attendent. Voilà. De l'autre côté, des fans de jeux vidéo, hein, ceux qui aiment Nintendo aiment Nintendo, ceux qui aiment PlayStation d'habitude aiment PlayStation. C'est rare que ça se traverse, même si ça arrive quand même. Ça arrive assez fréquemment qu'il y a des gens qui aiment Nintendo et Sony. Je disais des niaiseries. Vous êtes la grippe qui fait ça. Le service en ligne PlayStation Store ne sera pas mis à jour pour quelques semaines. Non, aucunement. Au moins en Amérique du Nord et en Europe. En effet, Sony a annoncé qu'elle procédera à l'amélioration du service de sorte que vous n'y retrouverez aucun nouveau contenu pour les prochaines semaines à partir du 31 mars de lundi en Europe et à partir du 3 avril. Et ça, si je regarde bien mon calendrier, c'est aujourd'hui, jeudi, 3 avril en Amérique du Nord. Donc, Sony va améliorer la navigation et l'interface du service en plus de lui donner un tout nouveau design et de mettre l'accent sur la catégorisation du contenu s'y retrouvant. Cette mise à jour du service fait suite à un sondage tenu l'an dernier par Sony à travers lequel les utilisateurs ont fortement critiqué la navigation et l'interface du service. Le PlayStation Store ne sera pas mis à jour pour une durée approximative de 2 semaines. Le service devrait ainsi être de retour pour le lancement nord-américain de Gran Turismo Prologue le 17 avril prochain. Voilà qui ne fera pas de mal. Ubisoft a annoncé le développement du jeu d'action Emergency Heroes pour la console Nintendo Wii, développé par Ubisoft Reflections et Ubisoft Barcelona. Ce jeu vous permettra de piloter une variété de bolides de secours, incluant des voitures de police et des camions de pompiers. En tant que secouriste, vous devrez veiller au bon ordre de la petite ville de San Alto, en parcourant à grande vitesse d'immenses environnements. À noter qu'en plus de contrôle intuitif, le jeu proposera un mode coopératif supportant 2 joueurs simultanément. On rappelle que Emergency Heroes, oui, j'allais dire Guitar Heroes, hein, pour vrai, sera lancé lors du mois de mai prochain. Juste le mot Hero devrait faire vendre le jeu un peu. Non, peut-être pas. Je pense que c'est eux qui se mettent le doigt dans l'œil s'ils pensent ça. Enfin bon, je sais pas. Peut-être que vous allez devoir faire flasher les lumières de l'ambulance avec votre main. Une animation flash accompagnée de pistes audio bien mystérieuses est apparue la fin de semaine dernière sur le site officiel de la série Ghost Recon avant d'envahir sans plus d'explications les pages dédiées à Splinter Cell, Noir et Rainbow Six. L'ensemble pourrait mener à l'annonce d'un futur titre Tom Clancy. Mm-hmm. Du moins si on se fie aux spéculations osées des joueurs. Mais on attendra quand même une annonce officielle en bonne et due forme pour comprendre de quoi il s'agit réellement. L'article date de lundi, on vous tiendra au courant. Voir s'il n'y aurait pas un nouveau jeu de Tom Clancy à l'horizon. Dans un communiqué de présentation de Mario Kart Wii, Nintendo fait le point sur le jeu et notamment sur les 4 types de jouabilité qui seront autorisés. Dans ce récapitulatif, l'éditeur précise que les 2 options de maniabilité qui se passent de la Wiimote, ça c'est la télécommande spéciale de la Nintendo Wii, ceux qui ne sont pas encore au courant, vous méritez juste même pas de le savoir dans le fond. Donc dans ce récapitulatif, on dit que ces 2 options de maniabilité qui se passent de la Wiimote devront aussi se passer de quelques mouvements dans le jeu. Donc, Si vous jouez avec le pad classique, la manette qui se met à l'horizontale et qui joue un petit peu comme une manette de Nintendo originale, ou encore la manette classique, celle qui ressemble à une manette de Super NES là, qu'on peut acheter à part, ben, ça va vous priver de quelques manœuvres dans le jeu. Malheureusement, par contre, le document ne précise pas quels seront les mouvements qui passeront à la trappe dans ces configurations. On vous tiendra au courant, évidemment. Toujours au sujet de Mario Kart, plus que quelques jours avant la sortie en Europe, au moins, de Mario Kart Wii. Aux États-Unis, ça sort... je n'ai pas la date, malheureusement. Je devrais aller faire des petites recherches pour savoir quand ça sort. Je sais que c'est très, très bientôt, mais je n'ai pas la date précise. Voilà. Aux États-Unis, le 27 avril. Voilà, autant de secondes pour une information. Comme cela, 27 avril, donc, pour les États-Unis. Et donc, Mario Kart, oui, 6 nouvelles pubs. Oui, 6 nouvelles pubs dans un article que j'ai posté sur lunechance.com. Faut aller voir ça, c'est des publicités très intéressantes de Mario Kart. Oui, très intéressantes. Voilà. Rare, la compagnie Rare, aime jouer avec nos nerfs, dit jeuxvideo.com, alors que les joueurs attendent tous des infos ou des visuels sur le prochain jeu Banjo-Kazooie en préparation sur Xbox 360. Le studio poste sur son site officiel, qui est évidemment au rareware.com, 5 scénarios possibles pour le jeu, en précisant toutefois que l'un d'entre eux peut-être être considéré comme crédible. Donc, c'est un peu comme Patrice Lécuyer, détecteur de mensonges, ce qui n'exclut pas que les 5 scénarios soient tous bidons. Hein? Voilà la différence avec les détecteurs de mensonges. Donc, voici les 5 scénarios rumeurs de Banjo-Kazooie sur Xbox 360. Rumeur 1, Banjo et Grunty font équipe contre une nouvelle menace et finissent par tomber amoureux. Rumeur 2, Kazooie est enlevé par des aliens et Banjo doit le chercher en fouillant le cosmos. Rumeur 3, Banjo et Kazooie retournent dans le passé à la poursuite du TIT de la sorcière. Rumeur 4, Banjo est tiré de sa retraite pour protéger sa maison menacée par l'implantation d'immeubles et de centres commerciaux. Et rumeur 5, la guerre éclate sur Spinning Mountain, obligeant Banjo à devenir un leader malgré lui. Qu'en pensez-vous? Le scénario de Banjo se retrouve-t-il dans ces rumeurs? Il va falloir patienter pour le savoir. Nintendo offre un gros paquet d'images de son prochain tremblement de terre vidéoludique aux USA et en Europe, Wii Fit. Rappelons que la firme a annoncé une campagne de pub de près de 40 millions de dollars, un chiffre record qui fait affoler les prévisions des analystes qui tablent sur un chiffre entre 3 et 4 millions d'unités vendues aux États-Unis, et bien plus d'ici la fin de l'année. Donc, la date prévue de sortie est le 19 mai pour Wii Fit, le jeu d'entraînement. Vous allez pouvoir perdre du poids. D'ailleurs, il y a quelqu'un de chez 4colorrebellion.com qui a perdu 10 livres en 7 semaines avec Wii Fit. Allez voir ça, très intéressant. Donc, ça va venir avec une planche, vous allez pouvoir faire des push-ups, n'importe quoi. Super cool! Voilà qui fait le tour pour ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans de télé ou de périphérique d'affichage. Maintenant, voici les jeux les plus vendus au Japon. Ça, c'est pour la semaine du 17 au 23 mars. On retrouve en 5e position Wii Fit, justement sur la Wii qui est déjà sortie là-bas. En 4e, SimCity DS2 sur la DS. En 3e, Armored Core 4 Answer sur la PS3. En 2e, Deca Sporta sur la Wii. Et en 1ère, c'est Pokémon Ranger 2 sur la Nintendo DS. Console maintenant, en 3e, la PSP la plus vendue avec 60 000. En 2e position, la Nintendo Wii avec 62 000. En 1ère position, la console la plus vendue au Japon selon la société Media Create, c'est la Nintendo DS. Avec 65 055 ventes pour un total de 22 164 283 depuis sa sortie, n'est-ce pas génial? Retour en première position d'ailleurs, parce que c'était la PSP la semaine dernière, si je me rappelle bien. Voilà donc pour ça. Nous, on passe en musique. Voici une très bonne pièce de The Room, remixée par Asirka, 1981. À la connexion, Asirka. Some tennis, pay net, dog, in the pool, net, is a boat, net. 1981, de Zorro, remixé par Acirca. Avant de se quitter pour une pub, voici le quiz musical de la semaine. Remets ce jeu sur Nintendo 64, la réponse au retour à la collection, au 89.1. Demandez de dire quel est ce jeu qui joue derrière moi. Je vais donner l'indice que c'est sur Nintendo 64. Encore quelques secondes à peine. Et oui, c'est Banjo-Kazooie sur Nintendo 64. Oui, on venait juste d'en parler dans le bloc bientôt sur vos écrans, c'est pour ça que j'ai fait le lien. J'ai pensé que c'était ça, c'est drôle. J'espère que vous l'avez eu. Moi, j'ai bien apprécié Banjo-Kazooie. Je trouve que c'est un très bon jeu de plateforme. Voilà donc, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et quand on parle de dernière demi-heure, c'est toujours dernière quinzaine de minutes à peu près. On va faire les nouvelles du futur. On va parler un petit peu de gadgets, un petit peu de poisson d'avril et peut-être un petit tour du net. Tout ça à l'intérieur d'un bloc cramé de 15 minutes. Mais voici Guild by Association de Louis XIV tout de suite au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Partout dans le monde, c'est fou.ca. C'est fou.ca. don't have to do the crime to do the time. Now there's nothing you can do to change it. You don't have to do the crime to do the time. It's just guilt by association. Right here, I've got something to say. Everything I deserve today is going to come true. How about you? No, you never thought you'd be in this place right here, where we're at. Well, there's something we must confront now. Well, don't you wish you could tempt me? Don't you wish you could change the way I feel? Don't you wish you could look into my eyes and make me feel? Le Sporting et Guild by Association de leur nouvel album Sick Dogs and Ponies, ici à la collection Technologie, Informatique, Jeux vidéo et Bonheur. 89 FM, non, vous arrêtez. On a trois chroniques à faire dans les dernières 15 minutes de l'émission. On va commencer ça par quelques nouvelles du futur. Oui, évidemment, quelques nouvelles du futur. Des chercheurs de l'Université de Rochester sont parvenus à encoder l'enregistrement d'un solo de clarinette de 20 secondes dans un fichier d'un kilobyte seulement. Ce qui équivaut à 1000 fois moins d'espace que n'occuperait un MP3 standard de qualité comparable. Là, si je me rappelle bien, c'est un kilobit. Parce que kilobyte, c'est pas la même chose. Enfin bon. Un kilooctet, on pourrait dire. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une technologie d'enregistrement audio, puisque le morceau de clarinette fut recréé un peu de la même façon qu'un piano mécanique reproduit une pièce à partir d'un rouleau de papier perforé. En plus de reproduire les notes, la technique des chercheurs reproduit également la façon dont le musicien les joue. Hein? Les joie. Selon Mark Bocco, professeur de génie électrique et d'informatique et co-créateur de la technologie, l'avenir de la performance musicale pourrait bien se trouver dans une forme de reproduction des performances musicales plutôt que dans leur enregistrement comme tel. Le professeur Bocco et des étudiants au doctorat, Xiao Xiao Dong et Mark Sterling, ont ainsi créé un programme informatique pour modéliser le doigté, la pression d'air et la pression des lèvres qu'implique le jeu d'une clarinette. Ils se sont servis de cette information pour influencer le son décrit par leur modèle de clarinette virtuelle. Autre contributeur à la recherche, une chercheure au post-doctorat et un professeur de théorie musicale à l'Université de Rochester. C'est en utilisant ce savoir programmé sur les clarinettes et les clarinettistes que l'approche a permis de contourner le besoin d'échantillonner de la musique des milliers de fois à la seconde. L'approche traditionnelle d'enregistrement génère beaucoup de données redondantes, ce qui crée des fichiers de taille imposante. Parmi les avenues offertes par les travaux de l'équipe du Dr Bocco, celui-ci évoque une expressivité nouvelle du côté de la musique électronique et générée par ordinateur. La technologie pourrait aussi prendre de l'expansion et mener à la reproduction plus naturelle de la voix. La qualité de la technique de reproduction s'améliorera aussi avec des algorithmes de synthèse musicale de plus en plus précis. Les clients d'Amazon.com peuvent désormais faire leur achat en utilisant la messagerie texte de leur téléphone mobile. Lancé le mardi 1er avril, le nouveau service Text by It, qui fonctionne par messagerie texte, permet de comparer les prix et d'acheter un produit en quelques étapes. Un mot-clé décrivant le produit, auteur, nom d'artiste, code ISBN, code UPC, doit d'abord être adressé à Amazon au 262966, qui réplique avec deux résultats à la fois, prix et description, si l'item est reconnu. L'utilisateur peut acheter le produit en entrant le numéro 1 ou 2 correspondant ou demandant. Numéro 1 ou 2 correspondant ou demander plus de résultats en appuyant sur la touche M. Voilà. Et non, on dirait que c'est pas un poisson d'avril, là, parce qu'acheter des produits. Si c'est rendu que t'es tellement pressé d'acheter que tu veux le faire par message texte, il y a un petit problème. Là. T'es pas capable de t'asseoir à ton ordinateur et le commander pour vrai. Là. Enfin bon. Les nouveaux utilisateurs de Text by It devront entrer l'adresse de courriel associée à leur compte Amazon ainsi qu'un code postal pour la livraison. Le service d'Amazon risque de s'avérer moins utile aux utilisateurs de téléphones intelligents avec navigateur Internet intégré. Amazon vise surtout une clientèle utilisant les téléphones mobiles classiques. Voilà. Utilisation de Text by It étape par étape sur le site de Ars Technica. Allez voir lunechance.com pour l'article. Les gens ont une autre affaire, ça. Mardi 1er avril. Et là, j'espère vraiment que ce n'est pas un poisson d'avril. L'article dit que ce ne l'est pas. Okay. Les gens dans le deuil qui ne peuvent pas se présenter en personne à un service funéraire pourront désormais le faire par Internet grâce à un nouveau service de funérailles en ligne britannique. Oui, c'est vrai. La firme Wesley Music offre ce service pour environ $150 dans certains salons britanniques où des caméras web ont été installées à l'arrière des chapelles. Les familles sont plus que jamais séparées géographiquement et les membres à l'étranger peuvent se sentir exclus de ce rassemblement si important, a expliqué le directeur de Wesley Music. Pour ceux qui en ont besoin, c'est un service très important. En plus de la cérémonie offerte avec un léger décalage de 20 secondes disponible pour une semaine, la compagnie offrira également un DVD à $100 et un enregistrement audio à $50. Question de faire vraiment de l'argent. sur la mort des gens. Je trouve ça pitoyable, mais bon. Enfin. Et pour ceux qui se le demandent, non, ce n'est pas un poisson d'avril, dit l'article. Quatre webcams et un enterrement, dit l'article du Daily Mail au Royaume-Uni. Je sais pas trop quoi penser, en fait. Je sais pas. C'est une bonne chose en même temps, mais c'est cher pour ça. C'est faire beaucoup d'argent sur les morts, mais bon, si les gens veulent payer pour ça, avoir un souvenir, je suis un petit peu ambivalent là-dessus. Voilà pour ce bloc. Maintenant, passons à la chronique rapide Go Go Gadget. Quelques gadgets qui m'ont ému cette semaine. Le fabricant japonais Tanco propose un baladeur pour le moins original et écologique. Il s'agit en effet d'un baladeur qui peut être alimenté simplement avec l'huile de coude en actionnant une petite manivelle amovible placée sur le côté du produit. Selon les dires du fabricant, une petite minute d'effort physique suffirait pour alimenter pendant 10 minutes le baladeur qui peut aussi être rechargé par USB. Ce baladeur possède 1 GB de mémoire. Il est compatible avec les formats MP3 et WMA. Il n'y a pas d'écran, mais ce baladeur présente également une petite LED lumière. Là, il peut donc faire office de lampe de poche, de lampe torche de poche. Une minute de manivelle permet d'avoir la lumière pendant 50 minutes. Ça, c'est magnifique. Doté d'une autonomie maximale de 3,2 heures, ce baladeur pèse 88,8 grammes et il sera proposé au prix d'environ une quarantaine d'euros, ça dit dans l'article. Donc, quand même assez cher pour un gadget comme celui-là, mais bon, pas si pire. Une montre très précise qui vous rappelle votre mort inévitable. Oui, c'est tellement beau, ça fait longtemps que je ne porte plus de montre moi-même entre mon cellulaire là et mon lecteur MP3 qui me donne l'heure tout le temps. Mais celle-là, cette montre est quand même assez intéressante. Il n'y a aucun chiffre et les aiguilles disent « Souvenez-vous, vous allez mourir ». Ouais, c'est sérieusement très, très morbide. Ça coûte 145$. C'est via Uber Review, via Gizmo.com. Le site est sur lunchforce.com. Finalement, une table musicale. Très génial, ça, une table musicale. Il y a une vidéo sur l'article. C'est vraiment, sérieusement, c'est comme une table faite à la main. À l'intérieur de chaque carreau de la table, table qui est disponible en 2x2, 2x4, et 3x3 et 4x4. Le nombre de carrés, là. C'est 4x4, vous comprenez le principe. Donc, là-dedans, il y a un tambourin, il y a un snare drum, cowbell, cloche à vache, un paquet de cymbales, un paquet d'instruments de musique différents. 800$ pour la 2x2, 2900$ pour la 4x4, c'est fait à la main et vous devez donner la moitié de l'argent pour comme dépôt. C'est Musical Furnishings, Musical Rumba. Voilà qui fait le tour des gadgets assez rapidement aujourd'hui. Poisson d'avril maintenant, parlons un petit peu de poisson d'avril dans le célèbre bloc à thème ici. Changement toujours aussi subtil de musique. Virgin et Google qui se sont associés pour établir la première colonie humaine sur la planète Mars d'ici 2014. C'était la blague de Google cette année. Il est temps pour l'humanité de lancer un long voyage dans l'espace et d'établir une présence humaine permanente sur Mars. Peut-on lire sur la page du projet Virgo. Le canulaire de Virgin et de Google semble au premier abord très sérieux dans sa facture avec son site détaillant les différentes étapes menant à la colonisation de Mars. Un survol rapide du questionnaire préalable à une participation suivi du visionnement de la présentation des cofondateurs de Google ont au fait de nous rappeler que nous sommes le 1er avril. Que nous l'étions mardi au moins. Et ce n'est pas le seul poisson d'avril de Google. En effet, ils sont propriétaires de YouTube et YouTube s'est amusé à piéger ses utilisateurs en redirigeant toutes les vidéos de la page d'accueil vers le clip de la chanson Never Gonna Give You Up, interprétée par l'une des icônes de la musique pop des années 80, Rick Astley. Et ça, c'est vraiment à la mode en ce moment, les Rick Roll, de faire des blagues à vos amis en leur envoyant des liens vers Rick Astley. Par ailleurs, Gmail dévoile une application vous permettant d'envoyer un courriel dans le passé. Hein, pour envoyer un courriel à votre grand-mère en date du 18 mars parce que c'était sa fête. Et là, ça va se reclasser chronologiquement dans la boîte de courriel comme étant un message du 18 mars. Vous allez pouvoir lui dire « Mais va voir, je t'avais écrit pour te dire bonne fête, tu sais. » Très, très, très, très drôle comme blague de la part de Gmail. Et Google Calendar qui vous offrait un kit gratuit pour bien vous réveiller le matin. Allez voir l'article pour en savoir plus là-dessus. L'an dernier, Google avait fait face à un événement qui avait tous les aspects de poisson d'avril alors qu'un serpent s'était réellement introduit dans les locaux de l'entreprise à New York. On en parlait ici à la connexion. J'ai posté un article sur le site de GameCult.com qui parle de la journée la plus incertaine de l'année dans les jeux vidéo. Quelques jolis fakes qui ont été créés sur le web. Une vidéo assez bluffante de Resident Evil 4 Classic Edition, une version avec des caméras similaires aux anciens épisodes visibles sur TheHorror.com. Juste à côté d'un prétendu scénario bonus de Hunk. Il y avait aussi IGN.com qui a créé une fausse bande-annonce du film Zelda. Qui est vraiment, vraiment drôle à voir. Les fans de Metal Gear Solid 4 ont peut-être été surpris par le croisement entre Altair et Snake. je suis pas très fan de jeux vidéo là, je comprends pas trop les termes, mais bon, deux personnages qui étaient mélangés. C'est même une fille, Jade Raymond, qui est très connue dans le monde des jeux vidéo. Elle travaille pour la compagnie derrière Metal Gear Solid 4, si je me rappelle bien, et Hideo Kojima à la fin aussi. Donc clin d'œil à Assassin's Creed, vidéo sur YouTube. C'est drôle à voir. Il y a aussi quelques nouveaux personnages qui ont été ajoutés, dont le jeu de Street Fighter 4, hein, et puis aussi StarCraft 2, la création du personnage de Bard dans World of Warcraft, qui est un personnage qui fonctionne un petit peu comme dans Guitar Hero, qui fait du slash entre le metal puis le punk, en tout cas, c'est bizarre. La Piñata Diablo 2, et l'annonce de la version console de World of Warcraft, Molten Core Unleashed, version Atari 2600 avec des graphismes comme à l'Atari 2600. Très très drôle à voir. Il y a aussi la page d'accueil de GameSpot qui a changé avec plein de blagues là-dessus. Allez voir. Alors justement, j'ai posté un lien qui s'appelle AprilFoolsDayOnTheWeb.com qui vous propose un survol de la plupart des blagues qui ont eu lieu le 1er avril. Tous les liens sont là. Dont YouTube, dont Zorbu.com, Google version Australie, TrustBanners.com, la version du Royaume-Uni de YouTube, Injection.com, ESPN4.com, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, tout est là. Allez voir, vous pouvez même voter pour vos préférés, c'est le April Fool's Day on the Web.com, l'article est sur lunchance.com. Et finalement, quelque chose qui m'a vraiment intéressé, moi, mais un petit peu moins, un petit peu trop évident comme blague, c'est la version américaine de Xbox.com qui offrait des nouveaux gadgets pour le printemps. Il y a la Xbox 360 version Recon, il y a le casque sans fil Xbox 360 de fou, Xbox Live version jeu de table, qu'on appelle ça, jeu de société, et Xbox 360 version vintage faite en bois. Donc un petit peu trop évident comme blague de poisson d'avril, mais quand même. Voilà donc pour ça. Pendant qu'on fait un petit... je vais devoir retaper l'adresse du site web. Unechance.com, en passant, pour ceux qui veulent aller voir tous les liens d'émission d'aujourd'hui et télécharger la balado-diffusion. Il va nous rester que très peu de temps pour faire un minuscule tour du net. D'abord, de choses qui se sont passées sur Internet cette semaine, j'ai posté dans la section autour du net encore quelques liens vers des blagues de poissons d'avril via la chaîne de télé G4, la chaîne de jeux vidéo, entre autres, G4TV.com, le lien sur lunchance.com. Super Smash Brothers, la chanson thème est très très difficile à comprendre. En fait, c'est pas en français, c'est pas en anglais, c'est pas dans aucune langue qu'on peut comprendre. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui traduit en anglais approximativement la chanson thème. En fait, il invente des paroles, ça sonne comme ça. Je m'enfuis d'un tsunami, des choses comme ça. Call me mama, call me papa. Allez voir ça, c'est sur le site de collegehumor.com. Ensuite, un écran de veille vraiment génial. C'est une expression numérique du temps réel avec la police Helvetica tombe dans l'eau au ralenti. C'est spécial. Drop clock, un écran de veille vraiment intriguant. De la porno pour les aveugles. Oui, la porno pour les aveugles, ça va être le dernier lien, j'aurai pas le temps pour plus. Ah oui, ok. Porno pour les aveugles, c'est la porno enregistrée en audio. Ça décrit des clips de sites web adultes en audio. Vraiment absolument génial comme concept. Et les fold-in de Mad Magazine. Vous savez, dans Mad Magazine, il y a tout le temps la couverture arrière, tu peux la replier sur elle-même pour faire un genre de blague. Là. Dans le fond, ça élimine des éléments et ça fait comme ça crée une nouvelle image quand tu replies la page. Et bien là, le site du New York Times les a remis sur le site web. Une par une, vous pouvez toutes les voir depuis 1960 jusqu'au présent. Génial. Donc voilà, ça fait le tour. Il y a plein d'autres affaires à aller voir, lunchance.com. Moi, je vous retrouve au poste d'écoute et dans les palmarès, c'est fou. La connexion est toujours en direct. Les jeudis matin à 11h, on rappelle les mardis matin à 9h. Je vous retrouve là de la part de toutes les équipes. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir supporté cette émission remplie de grippe et de mucus. À la semaine prochaine, faites attention à vos genoux. Bonne journée, bonne chance. Bye. Dernière porte à gauche, je vous suis le jeudi. Et je fais une traverse le mardi. Bye. Dash.com.